Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique, en direct du Mangin Palace, épisode 61. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, le dimanche 14 janvier 2007, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es piste aux étoiles, tu es pain d'air ou zavata, tu es dresseur de gros ours, tu es roulotte, tu es clown déjanté ou trapéziste manchot, et tu es aussi... Mesdames et messieurs, nous allons maintenant vous présenter les plus sensationnels, les plus stupéfiants, les plus super colossales des spectacles. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es cirque sous le grand chapiteau. Alors, pourquoi le cirque, me diras-tu ? Eh bien, c'est aujourd'hui même que le grand Barnum de l'UMP débute son spectacle d'équilibriste. Jongleurs, cracheurs de feu et dresseurs de fauves se réunissent toute la journée à Porte de Versailles afin de désigner Monsieur Loyal pour affronter Madame Royale. Ainsi, à l'heure où Monsieur Sarkozy s'apprête à nous faire son grand numéro, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, pendant 53 minutes, d'explorer les coulisses de cet univers de saltimbanque qu'est le cirque. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle du cirque. Pour commencer, de la femme à barbe au cirque plume, il faut retracer l'histoire de ces étranges spectacles ambulants. Ensuite, nous te proposerons une petite visite au cœur de la ménagerie d'un cirque. On enchaînera d'ailleurs sur une petite surprise fabriquée par la panique qui te révélera justement combien certains d'entre nous apprécient tout particulièrement les spectacles d'animaux dressés. Et puis, dans la foulée, nous te dévoilerons en exclusivité les coulisses du Sarko Show sous le chapiteau de l'UMP, Porte de Versailles. Et enfin, te raconter comment Monique et Jean-Claude se sont retrouvés mercredi dernier sur la piste du cirque Millennium qui s'est arrêté quelques jours près de chez eux. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et vas-y, fous-nous le cirque. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? J'adore. Regardez danser les gens. J'y retourne souvent. Danser les gens. J'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Les institutrices, péricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. Je remets le son. J'adore. Les gens arrêtent de danser. Ils se demandent qui a coupé. Ils commencent à m'encercler. Là, je me sens en danger. Alors je leur dis. J'adore mon Daddy, un remix disco-pop où DJ Zebra jongle avec Philippe Catherine et Boney M dans un joyeux numéro d'équilibriste des platines. J'adore mon Daddy, c'est surtout le leitmotiv de la grande famille du cirque. Alors en effet, cette semaine, la panique au Mangin Palace a donc décidé de placer ton dimanche matin sous un grand chapiteau en compagnie des clowns, des acrobates et des dompteurs. Tu l'as compris l'ami, ce matin, la panique t'emmène au cirque. Et l'histoire du cirque remonte à l'Antiquité. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici le cirque de Raratlokoum, où dans quelques instants, nous allons vous transmettre en direct les jeux du cirque offerts par le tout-puissant César, maître incontesté de l'Occident, à la divine Cléopâtre, reine d'Égypte, 1m72, 47 kilos, fille d'Aménophistophélète de la 18e dynastie et de son épouse, Étorsis. Avec César, ceux qui vont mourir dans des souffrances terribles, dans d'horribles convulsions, en se tordant de douleur dans un flot de sang. Épargne-nous les détails. Hein. Ceux qui vont mourir de salut. Bon, c'est clair, le cirque romain est bien différent du cirque d'aujourd'hui qui, lui, trouve plutôt ses origines chez les battleurs et les montreurs d'ours des foires médiévales. Le cirque moderne est constitué d'une troupe, pas forcément itinérante d'ailleurs, qui propose des numéros de dressage, d'acrobatie et de clown. À la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, c'est un certain Philip Astley qui, le premier, a eu l'idée de mélanger des spectacles équestres et des numéros de battleurs sur une piste ronde installée au milieu des gradins. La formule connaît alors un énorme succès. Le XIXe siècle, c'est véritablement le siècle du cirque. Des troupes se forment un peu partout en Europe et proposent leurs numéros à une société en constante demande de spectacles. Dans les grandes villes s'ouvrent ainsi des cirques permanents. C'est par exemple le Royal Circus à Londres, le Cirque Napoléon, aujourd'hui devenu le Cirque d'hiver à Paris, ou bien encore le Théâtre des Funambules. Ô peuple de Paris, peuple qui déambule, arrête ici tes pas, voici les funambules. Le Théâtre des Funambules, le voici, ne passez pas messieurs, entrez tous, c'est ici. Entrez, manants et gentilshommes, entrez messieurs. C'est ici que l'on peut pour de modiques sommes voir des comédiens tout à fait merveilleux. Merveilleux, unique, unique des savants, en avant la musique. Des cirques naissent donc dans toute l'Europe au XIXe siècle et les numéros proposés se diversifient. Aux spectacles équestres s'ajoutent, à partir des années 1830, des numéros de dressage, puis de trapèze volant vers 1860. Et à la fin du XIXe siècle, l'industrie du cirque franchit une nouvelle étape avec la création aux États-Unis du cirque Barnum. C'est un spectacle ébouriffant qui va de la puce à l'éléphant. Tous les fakirs et les marchands. Cacahuètes, je crie perçant. Pour vous, mesdames, il y a l'homme canon. Pour vous, messieurs, la femme poisson. L'enfant s'amuse comme le papa. Le plus grand cirque du monde est là. Le plus grand cirque du monde, c'est ainsi que se présentait le cirque Barnum avec ses trois pistes et ses centaines d'employés, parmi lesquels se trouvaient de bien étranges artistes. Approchez, venez voir les phénomènes de foire. L'enfant tronc, la femme calamar et l'homme honnête le plus bizarre. La femme de 900 kilos qui se déplace en roulant sur le dos. Un lilliputien de 20 cm qui grimpe sur une chaise pour se gratter la tête. Approchez, venez voir les phénomènes de foire. L'enfant tronc, la femme calamar et l'homme honnête le plus bizarre. La femme à barbe et l'enfant sauvage. Le géant de 3 mètres, la fille à deux têtes. L'homme invisible dont vous ne verrez que la cage. Et bien sûr la vedette, j'ai nommé l'homme honnête. Approchez, approchez. Approchez. Le cirque Barnum, avec ses phénomènes de foire, connaît un succès retentissant à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Pourtant, avec la concurrence du cinéma et du music-hall, l'industrie du cirque décline dès les années 20. Mais le cirque conserve malgré tout l'estime du public qui plébiscite à la télévision, par exemple, La Piste aux étoiles de Roger Lanzac, une émission diffusée de 1954 à 1976. Le cirque d'aujourd'hui a su évoluer avec une théâtralisation des numéros. C'est par exemple le cas du cirque Plume ou celui de Zingaro ou encore du cirque du Soleil. D'ailleurs, certains cirques renouent avec le succès et installent même leur chapiteau à la télévision, dis donc. Il y a le fond et la forme, ça passe jusqu'au 22 février à la pelouse de Reuilly. Il y a tout, il y a de la musique, il y a de l'acrobatie, ouais. Il y a de la mise en scène, il y a des costumes formidables. Regardez, ça chante. Vous allez voir. Il s'appelle donc Les Farfadets. Regardez, c'est du vrai spectacle. Célibataire coupé du monde. Il y a des costumes formidables. Regardez, ça chante. Vous allez voir. C'est vrai. Il s'appelle donc Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Kimi, Fabrice, Kenza et Christophe. Filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Regardez, c'est du vrai. Dans 9 semaines, ils ne seront plus que deux. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez, mais pour nous, le couple idéal, c'est l'Auguste et le clown blanc. Parce que le cirque, c'est également constitutif de la nostalgie de notre enfance. De ce moment particulier où les murs de nos villes se couvraient d'affiches de clowns et de lions rugissants et quand une vieille deux chevaux déversait des prospectus pour le spectacle à 20h du Lacrymal Circus. Une vieille de chevaux qui tousse déversait des prospectus. Ce soir 20h, venez tous entrer au Lacrymal Circus. J'étais seul et je cherchais un abri contre la bruine. J'ai pris ma place au guichet qui tombe en ruine. Au Lacrymal Circus, on y voit ce qu'on veut y voir. Ce soir, des cumulus jettent sur ma vie une ombre ivoire. Et je vois dans les tentures rouges et or quelques vieilles connaissances, des souvenirs qui collent au corps comme une vapeur d'essence. Et j'ai froid. Un vieux lion à bout de force a cligné trois fois des yeux. Il me disait, je crois en mort, je peux pas sauter, j'ai peur du feu. Puis un clown neurasthénique a pleuré sur mon épaule. J'ai beau faire mes gags scéniques, mais quand je tombe, je suis pas drôle. Au Lacrymal Circus, on y voit ce qu'on veut y voir. Ce soir, des cumulus jette sur ma vie une ombre ivoire. Et je vois dans les tentures rouges et or quelques vieilles connaissances, des souvenirs qui collent au corps comme une vapeur d'essence. Et j'ai froid. Au Lacrymal Circus, on y voit ce qu'on veut y voir. ce soir des cumulus jettent sur ma vie une ombre ivoire. Et je vois dans les tentures rouges et or quelques vieilles connaissances, des souvenirs qui collent au corps comme une vapeur d'essence. Un étrange ballet équestre, hennissements et ruades. Y'a qu'un tambour à l'orchestre, tous les cuivres sont malades. Ceux qui soufflent n'ont plus d'air, il ne reste que ceux qui tapent. Il ne reste que ceux qui tapent. Il ne reste que ceux qui tapent. Oh lacrymal circus. Le Lacrymal Circus, c'est le spectacle que déplore Renan Luce sur son album intitulé Repenti. Remarque, avec nos deux clowns tristes du 20h, pour nous aussi tous les soirs c'est le Lacrymal Circus, non ? Avec Bozo d'Arvor, une seule envie, pleurer. Alors maintenant, après avoir survolé l'histoire du cirque, toujours en direct du Mangin Palace, poursuivons notre exploration, mais cette fois à proximité du chapiteau, en te proposant, durant quelques minutes, mon ami, une petite visite de la ménagerie d'un cirque. Eh bien, qui n'a pas le souvenir aujourd'hui d'avoir tanné ses parents pour aller visiter la ménagerie du cirque Pinder, par exemple, installée pour quelques jours sur la place de l'hôtel de ville. C'est ainsi, les mômes sont fascinés par les animaux du cirque. En échange de quelques piécettes, tu peux découvrir alors ce vieux lion décrépit qui pue, ce gros éléphant gris qui pue, ou encore ce petit potenet des Shetland qui pue, bref, un zoo de pacotille mais qui pue. Mais qu'importe, car durant quelques minutes, dans ton bled paumé, tous ces animaux, même rabougris, viennent t'offrir un peu d'exotisme. Certains mômes s'imaginent même à la place du dompteur, dans une cage au milieu des fauves. Magie du cirque. Seulement voilà, c'est toujours pareil, même dans une ménagerie, il y a toujours un petit con pour venir briser la magie du moment. Toi, pendant quelques minutes, tu te prends pour Indiana Jones avec ton fouet face au lion, quand tout à coup, il y a un abruti qui se pointe. Et les filles, vous avez vu le singe là ? Non mais regardez-le là, il a le cul tout rouge. Hé hey, le singe, t'as l'air malin avec ton cul tout rouge. T'as même pas de poils dessus, c'est la honte. Oh la honte, le singe, il a le cul tout rouge. Hé, hey, t'as pas l'impression d'avoir raté ta vie avec un cul pareil, le singe? Regardez-le, regardez-le, il a tellement honte qu'il s'en va. Pauvre singe dans sa cage. Y a des claques qui se perdent, non, franchement. Par ailleurs, sais-tu mon ami qu'il n'y a pas que les enfants qui savent apprécier la visite d'une ménagerie. Si tu observes bien, il arrive que certaines femmes accompagnent avec bonheur leurs neveux et nièces à la ménagerie du cirque. Mais attention, pour d'autres raisons. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Garogorie. Et oui, là aussi, c'est la magie du cirque. La ménagerie peut être l'objet de tous les fantasmes. Cela dit, dans cette atmosphère particulière où règne une odeur de fauve, certains visiteurs succombent à leur propre désir et là, c'est le drame, comme ce fut le cas il y a quelques années dans la troupe d'Achille Zavatta. C'est la panique au sein de la troupe du cirque Zavatta en ce moment même en déplacement à Lyon. Des inconnus ont enlevé Grisou, un poney nain de 70 petits centimètres de haut. À la vive émotion suscitée par cette disparition succède maintenant l'angoisse. Le directeur du cirque Zavatta, Rico Macheletti, raconte les circonstances de ce rapt au micro de Maurice Fusier. À la fin du spectacle, il y avait 6 individus qui traînaient autour, qu'on avait déjà remarqué. Mais pendant qu'on était en train de faire la finale dans la piste, c'est-à-dire tous les artistes et tout le personnel est concentré dans le cirque, ils ont passé en dessous de la toile, ouvert les barrières et ils m'ont pris un petit poney, un petit Shetland de 70 cm d'hauteur. Quelle couleur sa robe ? Alors sa robe est de gris très clair, un poil très velouté, on dirait un peu un poil de caniche, on dirait un caniche, un gros caniche. Heureusement, 10 jours plus tard et sans l'alerte enlèvement, Grisou fut retrouvé dans la Drôme, sain et sauf, attaché à un arbre. Mais bon, va savoir ce qui lui est arrivé entre temps. Toujours est-il que Grisou a donc regagné ses pénates pour continuer à travailler son numéro de cirque. Car une ménagerie, c'est aussi un camp d'entraînement pour tous ces animaux dressés. La racouille est éléphant, sa chemine de feu s'avant, la trompe en avant, les oreilles au vent. volontairement, et c'est humiliant. En effet, il ne faut jamais oublier qu'être un animal de cirque dans une ménagerie, c'est avoir une vie de caserne, aux ordres d'un adjudant dompteur, les permissions en moins. Et oui, encore que, pour les permissions, faut voir. Mettez un tigre dans votre moteur, ça c'était une publicité, jadis célèbre pour une grande marque de carburant. Mettez un tigre dans votre chambre à coucher, ça c'est ce qui s'est passé hier à Toury dans l'Eure-et-Loire. Un tigre du cirque Jean Richard, qui s'était échappé de sa cage, a sauté par la fenêtre d'une maison et s'est confortablement installé sur le tapis de la chambre d'un couple de personnes âgées. L'animal ayant fait un peu de bruit en jouant avec les rideaux, le couple qui déjeunait à la cuisine est allé voir ce qui se passait et la vieille dame, Armandine Clergeon, a eu la peur de sa vie. Finalement, les employés du cirque alertés par le couple ont cerné la maison. Le dompteur est entré dans la chambre pour amadouer le félin fugueur qui aujourd'hui a retrouvé sa cage, son cirque et Jean-Richard. Franchement, tu passerais ta vie, toi, à faire le mariole sous une bâche et à être enfermé dans une cage le reste du temps? Non, bien sûr. Du coup, on peut comprendre que certains animaux aient envie de déserter la ménagerie. D'ailleurs, quand tu visites une ménagerie, ne vois-tu pas dans l'œil mélancolique de l'ours, du tigre ou du caniche la seule ambition commune qui leur reste aujourd'hui? Moi, je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur. Mourir sans la moindre peine au dernier rendez-vous. Moi, je veux mourir sur scène en chantant. Alors maintenant, pour être un peu plus complet sur ces animaux dressés qui participent largement à la magie du cirque, il faut, je crois, révéler ici combien certains d'entre nous apprécient plus particulièrement cet univers de la ménagerie. Pour cela, nous t'avons préparé une petite surprise, durée 2 minutes 05, on découvre l'objet juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Grand ami est allé au cirque cet après-midi et il en est revenu très content. Oh oui, c'était formidable. Et c'est même Bernadette Chirac qui nous le dit. Tout ce qui met des animaux en scène plaît beaucoup aux enfants, quel que soit leur âge. Mon mari, je peux vous le dire, a beaucoup apprécié justement le numéro du magicien et le numéro avec les singes. C'est un amateur d'animaux et plus spécialement, c'est un grand amateur de cirque et un grand admirateur de cirque. Alors, raconte. Permettez-moi de vous dire que j'aime énormément les animaux de cirque. Et si vous allez vous promener dans un cirque, si vous connaissez un peu le cirque, vous vous apercevrez qu'il n'y a pas d'animaux plus choyés que les animaux de cirque. Et à qui on assure d'ailleurs une espèce de promotion intellectuelle et culturelle, alors qu'ils en perdent des fous. Non, non, un ours qui lance une assiette, c'est vrai que c'est intéressant. Bonsoir, les amis. Bonsoir, mon ours. Cet après-midi, les enfants, je suis allé au cirque. Ah. Et là, il y a François Hollande, et ben on a parlé cirque. Pour ce qui concerne le spectacle, en tout cas, quel cirque, j'ai beaucoup de respect. Après, on a trouvé que le mot cirque pouvait s'appliquer à d'autres activités. Et quand on dit c'est un cirque, c'est le cirque, ça veut dire que c'est pas bien tenu. Et quand on dit c'est le cirque politique, ça veut dire qu'il y a eu du chahut. Et on a essayé d'éviter que le Parti Socialiste se transforme justement comme un champ de foire ou comme un cirque. Peut-être que certains se sont comportés comme des clowns. Il y a des gens qui sont drôles, même qu'ils ne le font pas exprès. Donc c'est pour ça que j'en trouve aussi dans la vie politique. Mesdames et messieurs, c'est en simple conducteur de voiture que je suis à Lille. Ce n'est pas un retour, mais une simple balade en centre-ville. Je ne reviens pas. Et je vous l'annoncerai ce soir lors d'une réunion publique à la salle des fêtes Pascal Cigan. Venez nombreux, faites-le savoir autour de vous. Lionel Jospin ne revient pas ce soir à 19h à la salle des fêtes. Lionel Jospin, l'homme qui ne revient pas. Tous les jours, partout, tout le temps. So we are astray, there's nothing else to do. Oh, I see a different you, chantent les Suédois du groupe Coop. Je te vois différemment, c'est sans doute ce qu'a dû dire Stéphanie de Monaco, l'actuelle présidente du Festival international du Cirque de Monte Carlo, à Adans Lopez Pérez, le fabuleux acrobate portugais qu'elle a épousé en 2003 avant de divorcer un an plus tard, le temps de quelques pirouettes, quoi. Alors, pour poursuivre notre parade sur la piste de la panique au Mangin Palace, entre les funambules et les jongleurs, nous allons nous intéresser maintenant, à 11h32, aux clowns et aux fauves, pour évoquer le grand barnum de l'UMP qui a lieu en ce moment à la porte de Versailles, dans le sud de Paris. Que dire pour commencer ? Eh bien, avec un budget de 3,5 millions d'euros, 50 000 militants, 8 TGV et 520 autobus, il est clair que M. Sarkozy veut un show à l'américaine, un vrai spectacle, quoi. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil, bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Mais bon, en réalité, la grande fiesta de l'UMP, même si elle a pour modèle les shows politiques à l'américaine, elle risque surtout de ressembler à ça. Ce que personne ne sait, c'est qu'hier après-midi, Nicolas Sarkozy s'est rendu aux répétitions du grand barnum qui se préparait, porte de Versailles. Brice Hortefeux, le lieutenant de Nicolas Sarkozy et accessoirement ministre délégué à l'aménagement du territoire, a montré à son chef comment il comptait l'introduire devant les militants. Mesdames et messieurs, vous pensez peut-être avoir vu l'insolite. Vous pensez peut-être avoir vu le bizarre. Moi qui ai eu la chance de voyager aux cinq coins du monde, je peux vous certifier que je n'ai jamais rien vu de pareil. Je ne veux pas vous effrayer, madame, mais si cet homme le voulait, il pourrait vous broyer la tête entre ses gros orteils comme une petite noisette. Mais il n'en fera rien. Non, mesdames et messieurs, il ne lui fera aucun mal, parce que cet homme est notre gentil géant. Mesdames et messieurs, je vous présente Colossus. Oui, bon, Hortefeux a bien compris que Nicolas Sarkozy voulait changer d'image pour paraître plus gentil. Mais communiquer sur le géant sympathique n'est sans doute pas le mieux à faire pour améliorer sa popularité, surtout auprès des jeunes. Nicolas, lui, il a eu une autre idée. Hier après-midi, il a demandé à son équipe de lui accorder quelques minutes pour se changer en coulisses. Et quelques instants plus tard, Nicolas Sarkozy revenait devant ses conseillers. Bonjour les enfants, vous allez bien ? Vous m'avez reconnu ? Vous m'avez reconnu ? Je suis votre ami Bozo le clown. Tout en bleu. Il est rouge. Des gants blancs. Qui c'est ? Hein ? Bleu, blanc, rouge, c'est moi, Bozo le clown. Oh. C'est clair qu'avec le costume de Bozo le clown, Nicolas Sarkozy ne peut que s'attirer la sympathie des foules et ainsi espérer devenir président de la République. Car c'est bien connu, tout le monde aime les clowns. Brice Hortefeux a alors demandé à Nicolas ce dont il aurait besoin pour cette nouvelle ligne de communication. Ce à quoi Sarkozy lui a répondu qu'il voulait juste... Une table de maquillage, de l'or, du rouge et puis du bleu. Il ne m'en faut pas davantage, une ritournelle et les pleins feux, et je deviens, moi, le clown. Dans mon costume de diamant, sous le tonnerre étourdissant, 2000 bravos, je bondis dans le cirque. Moi, le clown, je joue du violon, du saxo, je fais des ponts, je fais des sauts, en crevé le chapiteau du cirque. Tout le monde a tout de même été très surpris hier après-midi par ce changement d'image précipité que voulait se donner le ministre candidat. A priori, il n'y en a qu'un qui a adhéré sans réserve à cette nouvelle image, c'est Jean-Pierre Raffarin qui avait choisi la même stratégie quand il était Premier ministre. Je suis juste un rigolo, j'en fais des kilos, pour être fidèle à moi-même. Un mauvais jeu de mots, c'est peut-être idiot. Moi j'aime. J'ai croisé ce matin le penseur de Rodin. Je crois qu'il a la grosse tête. Je vous file la philo. Moi je suis juste un rigolo. Tu souris, c'est chouette. Raffarin le rigolo soutient donc Nicolas Sarkozy dans sa course à l'échalote présidentielle. Mais pour Nicolas Sarkozy, la vraie question, c'est de savoir si Dominique de Villepin va le soutenir cet après-midi à la porte de Versailles. Pour en avoir le cœur net, Nicolas Sarkozy a alors décidé, vendredi dernier, d'envoyer deux espions à Matignon, Patrick Devedjian et Jean-François Copé. Pour éviter d'être reconnus, ils seront déguisés, disons en clown. Une heure plus tard, deux clowns se présentaient devant les grilles du ministère. Bonjour, monsieur. Comment vous allez bien? Oui, mais moi, monsieur, comment je vais bien aussi? Qu'est-ce que c'est que ces deux chiens-lits? Voulez-vous me foutre le camp? Mais monsieur, dites, on a rendez-vous avec le ministre. Parfaitement, monsieur. Et moi, plus que lui, monsieur. Avec le ministre? Non, mais ça ne va pas mieux. On aura tout vu. On aura tout vu. Les deux clowns ont été vidés de Matignon et Dominique de Villepin refuse donc toujours de dire s'il soutiendra ou non Nicolas Sarkozy. Pourtant, officiellement, depuis le retrait de Michel Alliot-Marie, Nicolas est l'unique candidat de l'UMP. Alors, toujours déguisé en clown, Nicolas Sarkozy a téléphoné lui-même à Villepin vendredi soir pour savoir ce qu'il pensait de la stratégie de l'UMP pour la présidentielle. Ce à quoi Villepin lui a répondu que... Vas-y, ouvre ta grille et fais claquer ton fouet. Moi, je fais le docile cucu sur tabouret. Je fais le diplomate, le doux, le bien dressé. Je donne la papate comme un bon gros minet. Mais lâche-moi la crinière, j'ai pas envie de sauter dans ton cerceau de fer que tu me remues sous le nez. Tu vois pas que j'ai les crocs et les poils qui s'hérissent quand je vois ces marmots qui piaillent et applaudissent. Comprenant que Dominique de Villepin n'est pas du tout prêt à le soutenir, Nicolas Sarkozy a alors décidé hier soir d'aller à l'Élysée pour avoir l'avis de président Chirac. Porte de Versailles, Nicolas Sarkozy va être investi candidat officiel de l'UMP. Il se dit donc, assez naturellement, que peut-être président Chirac va le soutenir désormais. Les huissiers de l'Élysée furent un peu surpris hier soir d'introduire le ministre de l'Intérieur déguisé en clown auprès du président de la République. C'est Nicolas Sarkozy qui a entamé la conversation. Me permettez-vous de vous poser une question? Voyez-vous parmi les hommes politiques d'aujourd'hui un chef de gouvernement qui s'impose et qui rende ma candidature superflue? Non. Voyez-vous un parti plus apte que le mien à dénouer la crise? Non. Estimez-vous que je possède la technique, l'expérience, en un mot, la stature d'un homme d'État? Oui. Bon. Alors dans ce cas, avez-vous votre veto? Voilà 20 ans que je vous dis non. Et pour être franc, je vous ai reçu ce soir pour le plaisir de vous le dire une dernière fois. Pour des raisons particulières, je vous ai longtemps pris pour un salaud et je constate avec plaisir que là aussi j'avais 15 ans d'avance. Enfin, monsieur le président, permettez-moi de vous demander quelques explications. Parce que c'est une saloperie de venir au pouvoir sans avoir une conviction à y appliquer. Quand on a cette ambition-là, on ouvre un bazar. On ne gouverne pas une nation. Nicolas Sarkozy, très surpris de la réaction de président Chirac, s'est alors transformé d'un seul coup d'Auguste en clown blanc. Ainsi, président Chirac ne veut pas le soutenir. Mais pourquoi ? En sortant du bureau de président Chirac hier soir, Nicolas Sarkozy, dépité, a rencontré Bernadette Chirac. Le ministre candidat n'a pu s'empêcher de questionner la première dame de France, qui lui a répondu avec beaucoup de franchise et de détails sur les ambitions de son mari. Il quitte bien souvent Paris pour visiter tout le pays dans ses coins les plus éloignés. On pourrait croire en le voyant qu'il veut en reprendre pour 7 ans et continuer à gouverner. Mais Dieu, que c'est original quand dans un geste machinal, il parle en inclinant la tête. C'est pour confier aux passants, j'en ai assez d'être président et je veux prendre ma retraite. Même tête dans le travail et dans les fêtes, en uniforme ou en civil. Il commence à se fatiguer et voudrait bien se reposer au lieu de trotter de ville en ville. Les villes, elles se croient obligées de lui offrir pour le fêter à boire quelque horrible piquette. Et les enfants, les centenaires, les balles et les anniversaires, il en a pas. Et puis parfois des noms, une année bonne et l'autre non, des alliances, des ennemis, des aventures comme à Clamart, même raté il en a marre, il tient à conserver sa vie. Sa vie, elle est remplie de fonctionnaires qui peuvent attendre sans s'en faire que l'heure de sa retraite sonne, mais l'empêche de faire ce qu'il aime et de quitter son HLM. Plein de poulets en uniforme. La campagne, libre adaptation en 1965 de La Montagne de Jean Ferrat par l'espiègle Suzanne Gabriello. En écho à cette parodie, après que François Hollande ait annoncé cette semaine une éventuelle augmentation des impôts, alors que le staff de Madame Royale, lui, n'avait rien dit de tel, eh bien, il semble donc que les semaines qui s'annoncent soient aussi une affaire de trapéziste au Parti Socialiste. Alors, pour prolonger nos acrobaties dans l'univers du cirque, il est grand temps maintenant, à 11h45, de retrouver nos deux saltimbanques, la petite écuyère agaffée qu'est Monique et le dompteur de mouches qu'est Jean-Claude. Alors, comme tous les mercredis, en fin de matinée, cette semaine, Monique est allée faire son marché. Elle se tâtait entre une livre de carottes et un chou vert quand tout à coup, au coin de la rue, une camionnette vocifère. Tiens, un cirque en ville, se dit Monique. Voilà des années qu'elle n'est pas allée au cirque. La nostalgie s'empare de Monique et elle décide alors d'acheter des places pour ce soir. Elle fera cette merveilleuse surprise aux enfants et à Jean-Claude. Bien entendu, les mômes se sont immédiatement foutus d'elle et ont catégoriquement refusé de les accompagner à ce spectacle de Guignol. Quant à Jean-Claude, lui, il est fou furieux d'aller voir des clowns, mais bon, pour ne pas vexer Monique, il s'est fait une raison. À 19h30 donc, Monique et Jean-Claude prennent la direction du Cirque Millenium. Jean-Claude et Monique se retrouvent donc devant l'entrée du chapiteau du Cirque Millenium. Mais bon, comme le spectacle ne commence que dans 20 minutes, Jean-Claude décide d'aller rôder à proximité. Très vite, il aperçoit que la cage au lion est éclairée et que le dresseur de fauves est en train de les nourrir. Génial! Jean-Claude s'approche de la cage et s'attend à voir de gros quartiers de viande. Mais non, ce sont des sandwichs que le lion dévore. Jean-Claude interroge le dresseur de fauves qui lui répond que oui, ce sont bien des sandwichs, mais pas n'importe lesquels. Surtout les grecs. Alors ça, il est très friand des grecs. Il est guêpe, hein? Ah, tu peux pas savoir. Enfin, il trouve ça goûter le grec. À chaque dimanche, il en bouffe 3 ou 4. Hein, Lucien? Jean-Claude est consterné. Les lions bouffent des kebabs alors? Ce cirque a l'air très étrange, dit Jean-Claude. Enfin bon, il est temps de prendre place sous le chapiteau. Approchez, messieurs, mesdames, c'est un grand spectacle. Allons-y, les amateurs. Entrez, entrez, messieurs, dames, admirez le spectacle, les voyeurs et les rêveurs. Après un premier numéro de grand frisson avec des voltigeurs italiens, les funambules du pape, Monique est aux anges. Jean-Claude, lui, est au bord de sa soupir. Cependant, très vite, il sursaute quand Monsieur Loyal revient sur la piste pour le numéro suivant. Mesdames et messieurs, double saut périlleux. S'il vous plaît, reculez un peu. Ce numéro est dangereux. Ce soir, c'est un rhinocéros qui va tenter ce truc atroce. S'il retombait sur les pieds, il pourrait vous les écrabouiller. Mais tout d'abord, voici le clown hippopotame qui s'amuse déguisé en dame à danser un air d'opéra, mais il a peur des petits rats. Comment ça, un clown hippopotame? Décidément, ce cirque est très bizarre, se dit Jean-Claude. Mais bon, il décide de patienter et d'attendre le spectacle des fauves juste après l'entracte. De son côté, Monique est ébahie par cet hippopotame grossièrement déguisé en clown. D'ailleurs, elle l'encourage. Pour ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Tes cheveux que l'on plume, bravo, bravo. Jean-Claude demande immédiatement à Monique de se calmer. Cet hippopotame, c'est grotesque. Quand arrive enfin l'entracte pendant laquelle on installe la cage aux fauves. Ce soir, ce sont les tigres du Bengale qui vont faire leur numéro. Seulement voilà, quand le spectacle reprend, c'est un éléphant qui entre sur scène avec Monsieur Loyal. Eh bien merci, maintenant pour le numéro suivant, nous allons prendre un volontaire parmi vous. Est-ce qu'il y a un volontaire? Je n'ai rien entendu les enfants. Eh bien non, Jumbo va le choisir lui-même. Tu choisis Jumbo, choisis. Voilà. Eh bien, il a choisi monsieur, vous venez. Bien sûr, c'est Jean-Claude que Jumbo a choisi pour participer au numéro avec les tigres. Après avoir vainement tenté de refuser, Jean-Claude n'a guère le choix et se retrouve donc pétrifié au milieu des tigres en compagnie du dresseur. Jean-Claude se voit donc confier sa première mission de saltimbanque et franchement, il ne se sent pas très bien. Je tiens un tigre par la queue et ça se voit. J'ai peur, je suis tout pâle et je perds du poids. Oui, mais si tu partais, je serais si malheureux. Oh oui, je tiens un tigre par la queue. Pétrifié par la peur, Jean-Claude ne s'est aperçu de rien. Le public, lui, est écroulé de rire, car en réalité, c'est un numéro comique. Le dompteur est un clown et le tigre que Jean-Claude tient par la queue n'est qu'une vulgaire peluche animée au milieu d'autres tigres bien réels mais qui ne peuvent atteindre, bien sûr, le spectateur choisi. Quand Jean-Claude prend conscience de sa situation et de son ridicule, il s'avance alors tranquillement vers le clown. Non mais franchement, oh, c'est un peu dépassé vos histoires de clown là. C'est fini tout ça, faut se renouveler, hein. Les jeunes, ils aiment autre chose. Ils aiment le basket, la musique, le roller, les drogues douces. Qu'est-ce qu'il va demander le jeune à ses parents aujourd'hui? Les Nike Air? Pas un t-shirt des Avata? Hein? Faut se renouveler, mon gars, hein? Jean-Claude quitte la piste furieux sous la bronca du public et sort immédiatement du chapiteau. Mais Monique refuse de le suivre, car elle désire assister à la fin du spectacle. Jean-Claude patientera dehors. C'est alors qu'après avoir terminé son numéro, le clown qui a piégé Jean-Claude sort à son tour pour fumer une cigarette. Quand il aperçoit sa victime, le clown s'approche de Jean-Claude et lui fait part de son incompréhension. Tout le monde rit d'un clown, pourquoi pas toi ? Tout le monde aime bien les clowns, pourquoi pas toi ? Ils s'amusent aussitôt qu'ils me voient, mais toi, insensible, tu te lèves et tu t'en vas. Mais sais-tu combien ce clown a pu souffrir en te voyant partir ? Jean-Claude explique à ce pauvre clown qu'il a toujours rêvé d'être un dompteur de fauves. Et alors qu'il a cru ce soir, pendant quelques instants, avoir l'occasion de toucher un peu son rêve, en réalité, il est passé pour un gros pignouf. Et franchement, il a les boules, Jean-Claude. Mais bon, le spectacle du Cirque Millenium s'achève et il est temps de rentrer à la maison. Dans la voiture, Jean-Claude est muet comme une carpe, bien sûr, alors que Monique, elle... Oh là là là là, quelle soirée! Oh oh! Le lendemain matin, bien entendu, hors de question pour Jean-Claude de raconter aux enfants ce petit incident. D'ailleurs, il leur dit qu'il aurait dû faire comme eux. C'était tellement nul ce cirque, fin de l'histoire. Mais, curieusement, les mômes semblent regretter de ne pas être venus. Seulement, c'est trop tard, le cirque est déjà reparti. Nous voyageons de ville en ville, nous représentons des motos, des bicyclettes et des bateaux. La route est notre domicile. Un jour ici, un jour ailleurs, nous vivons libres et sans attache. Lutins farfelus et potaches, courant de bonheur en bonheur. Préférons au pire le meilleur, la bonne humeur à la tristesse. Les jolies filles ont les dronesses et le plaisir à la douleur. Nous voyageons de fille en fille, nous butinons de cœur en cœur, à tire d'aile dans chaque port, à cœur perdu dans chaque ville. Notre vie c'est le vent du large, l'odeur du pain, le goût du vin, le soleil pâle des matins, le soleil noir des soirs d'orage, le sourire d'une enfant sale, la sieste dans le foin coupé, l'amour fou au milieu des blés. Et le vent frais sur le visage. Nous voyageons de ville en ville, nos lendemains sont incertains. Une blonde dans la main, c'est à nouveau la vie facile. Un jour ici, un jour ailleurs, notre vie comme une romance s'élance sur un air de chance, courant de bonheur en bonheur, préférant la joie au malheur, l'intelligence à la bêtise, à l'hypocrisie, la franchise. Aux gendarmes, les gens de cœur. Nous voyageons de fête en fête, on nous désigne de la main, on nous appelle les forains, en vérité on est poètes. Un jour sérieux, un jour rieur, notre vie joue en alternance, la tragédie de l'existence et la comédie du bonheur. Amis à la vie, à la mort, prince sans peur et sans reproche, chevalier sans un sou en poche. Par contre, notre cœur est d'or. Nous voyageons de ville en ville, du Val-de-Loire au bord du Rhin. On nous appelle les forains, la route est notre domicile. Nous voyageons de ville en ville, composé par Michel Legrand en 1967 sur la bande originale du film de Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort. Nous voyageons de ville en ville, idoine, pour une émission sur le cirque. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre émission consacrée aux saltimbanques sous chapiteau. De Léon Zitrone dans le cirque romain à Sarkozy dans le cirque présidentiel, des frics du Barnum Circus aux fauves de la ménagerie et de Jean-Claude sur la piste aux étoiles à Zavatta sur la piste du poney grisou, nous avons tenté de te dresser un panorama subjectif et décalé de ce que peut être l'univers du cirque. Alors, c'est quoi le cirque aujourd'hui ? Eh bien, c'est à la porte de Versailles, non ?